Bonjour, bonne année et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Et pour démarrer l'année en beauté, nous allons nous intéresser aux beautés méconnues du monde vivant. Champignons luminescents, eucalyptus arc-en-ciel, fourmis, pots de miel et fleurs géantes. Dans un instant, nous partons à la découverte des espèces les plus insolites de la planète avec pour guide le biologiste Pierre Kerner et le vidéaste Patrick Beau. Que nous réserve 2020 dans le domaine des sciences? Il y aura des imprévus et des surprises, c'est sûr. Mais nous ferons le tour des événements scientifiques attendus cette année avec Sophie Becherel de France Inter et Mathieu Novak de Sciences et Avenir. Et en deuxième heure, nous partirons dans la jungle amazonienne avec l'anthropologue Philippe Descola. Il nous racontera ce que lui ont appris les trois années qu'il a passées aux côtés des Achuars, des Amérindiens qui vivent à la frontière du Pérou et de l'Équateur. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Frédéric Milano et préparée par Thomas Lehété, avec à la technique Thomas Langlin. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et pour partir à la découverte des beautés cachées ou méconnues du monde vivant, je suis en compagnie de Pierre Kerner, maître de conférences en génétique du développement à l'université Paris Diderot. Bonjour. Bonjour. Et Patrick Beau, auteur et vidéaste, il dirige la chaîne YouTube Axolotl en duplex avec nous depuis un studio de France Bleu Vaucluse. Bonjour Patrick Beau. Bonjour. Alors tous les deux, vous vous êtes associés pour publier un très beau livre intitulé « Nature secrète, merveille insolite du vivant » aux éditions Dunod. Il faut dire que l'un et l'autre, vous partagez ce goût pour l'étrange, le bizarre. Vous aimez surprendre avec les sciences. Pierre Kerner, vous le faites depuis de nombreuses années sur votre blog « Strange Stuff and Funky Things », trucs étranges et choses fun. Et puis Patrick Beau, sur votre chaîne YouTube Axolotl. D'ailleurs, l'axolotl, c'est un animal qui figure en bonne place dans votre ouvrage, Patrick Beau. Qu'a-t-il de particulier cet animal ? Alors c'est un animal qui est une parfaite mascotte pour illustrer les curiosités du vivant, puisque bon, déjà il y a l'aspect, il ressemble à un Pokémon dans le monde réel, donc avec une espèce de sourire comme ça anatomique qui est assez surprenant quand on ne connaît pas l'animal. Et en plus de ça, il a plusieurs facultés biologiques qui sont très surprenantes. Par exemple, il peut régénérer des membres et des organes à volonté si on lui coupe, par exemple. Et il peut passer toute sa vie à l'état larvaire sans jamais devenir adulte, donc c'est ce qu'on appelle la néoténie. Et voilà, donc, entre autres bizarreries. Donc, toute sa vie à l'état larvaire, mais encore à l'état larvaire, il peut déjà se reproduire. Hein, c'est-à-dire que, en fait, devenir adulte est pour lui une option. Absolument, et on a déjà donc observé des mutations qui ont été provoquées artificiellement en laboratoire. On a injecté comme ça des hormones à des axolotes qui sont devenus des salamandres. Donc ils peuvent devenir adultes, mais la nature fait qu'ils peuvent passer une vie entière à l'état de larve. Ouais. Pierre Kerner, l'axolote, c'est un cas intéressant pour le biologiste généticien que vous êtes. Tout à fait, et on en parlait de mascotte, et il fait partie des mascottes de notre service d'enseignement, c'est-à-dire que dans l'université Paris Diderot dans laquelle je travaille, on a un axolote maintenu dans un aquarium qui fait le ravissement de nos étudiants, mais c'est aussi notamment un organisme modèle, notamment pour la régénération. On peut couper, alors c'est un petit peu tragique à dire, mais on peut couper et dans la nature il se coupe régulièrement des doigts ou voire d'autres parties de son corps, et on pense que ces propriétés néoténiques lui permettent d'avoir des propriétés régénératives assez hors du commun chez les vertébrés. Alors dans votre ouvrage, on en trouve de très nombreux animaux comme ça étonnant. Il y a par exemple la fourmi peau de miel, Patrick Beau. Ah oui, alors la fourmi peau de miel, c'est assez incroyable déjà visuellement, puisque on a l'impression de voir une espèce de bonbonne comme ça, remplie de miel, on dirait un fruit. Et d'ailleurs, les aborigènes en Australie les consomment comme des fruits, c'est à peu près la taille d'un raisin. Et donc, c'est des fourmis qui jouent le rôle de réservoir. Donc, les autres fourmis de la colonie viennent les remplir régulièrement, donc viennent régurgiter comme ça du mielat dans leur bouche. Et donc, ces fourmis grossissent et redistribuent à volonté. Donc les autres fourmis peuvent leur caresser la tête et récupérer donc du mielat de leur part, et voilà, ils sont condamnés comme ça à servir de réservoir. C'est-à-dire que les fourmis qui deviennent réservoirs de miel, elles ne bougent plus, elles sont accrochées définitivement, elles ne servent plus que de distributeurs. Absolument, donc elles vont sacrifier leur vie pour la colonie, et elles restent suspendues au plafond de la fourmilière. Ouais, avec un goût très différent du miel des abeilles, quel goût ça a, ce miel de fourmi ? Alors, j'ai pas goûté, mais ouais. c'est pas le même miel que celui des abeilles, effectivement. Par contre, donc, c'est un mets qui est recherché à la fois en Australie et au Mexique également, où on peut trouver des espèces qui fonctionnent de cette manière-là. Alors, dans la catégorie insectes, Pierre Kerner, il y en a un que vous appréciez tout particulièrement. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est le membracide. Membracide, tout à fait. C'est un insecte particulier, fait partie de la grande famille des punaises, hein, donc on appelle les hétéroptères. Et chez les membracides, il y a quelque chose d'assez remarquable. Ils ont une structure qui coiffe l'ensemble de l'animal, qui recouvre les ailes. On appelle d'ailleurs ces insectes des insectes boucliers ou des insectes casques, parce qu'ils ont cette structure qui est une innovation évolutive de leur groupe et qui leur permet de prendre des apparences en fonction des espèces très très drastiquement différentes, parfois qui leur offrent des vertus mimétiques. Elles permettent de se camoufler particulièrement. Il y en a certaines qui ressemblent à des petites crottes d'oiseaux et donc se permettent de laisser tranquille. Et d'autres où vraiment on a l'impression que l'évolution a sélectionné des formes complètement aberrantes qui peuvent évoquer, je sais pas moi, un plateau de satellite ou des antennes télévision. C'est vraiment très très très particulier. Je recommande notamment de regarder celle qui figure dans les pages de Nature Secrète. Ouais, on l'entend, hein, Patrick Beau, vous vous êtes vraiment attaché avec votre comparse Pierre Kerner à aller dégoter des espèces qu'on connaît très peu, qu'on connaît très mal et qui sont effectivement très surprenantes. Alors c'était le grand défi, c'était de réussir à surprendre, parce que on sait que parmi les lecteurs potentiels de cet ouvrage, il y a sans doute beaucoup de gens qui s'intéressent aux bizarreries de la nature et qui vont arriver en terrain conquis en pensant peut-être qu'ils connaîtront d'avance toutes les espèces. Et donc nous, notre but, c'était justement d'essayer de surprendre même ceux qui s'intéressent à ça. Alors ce qui est certain, c'est que pour le grand public, il va y avoir beaucoup de découvertes, mais même pour les gens qui sont férus de zoologie et de biologie, il y aura des surprises, puisque pendant l'écriture du livre, au cours de la recherche, on a nous-mêmes été très surpris par nos découvertes. Alors il y a les lézards, il y a pas mal de lézards sympas, il y a le lézard volant et le lézard Jésus-Christ. Ce sont deux espèces différentes qui ont chacune leur particularité. Le lézard volant, on peut commencer par lui, Patrick Beau. Oui, alors c'est comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment un lézard qui se jette du haut des arbres et qui déploie donc une sorte de wingsuit, hein, et qui plane donc comme ça sur plusieurs mètres, et c'est très spectaculaire à voir. Ah, il a littéralement une cape accrochée à ses côtes qu'il peut prendre avec ses mains. En fait, c'est très différent de l'écureuil volant, pour ceux qui connaissent déjà l'écureuil volant, qui lui aussi peut planer. Exactement. Dans le cas de l'écureuil volant, on a une membrane qui est vraiment connectée aux pattes supérieures et inférieures. Alors que dans le cas du lézard volant, c'est vraiment comme une cape. Il saisit les extrémités de cette cape avec ses pattes avant et il la déploie comme un super-héros un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement surprenant comme animal. Ça a l'air spectaculaire. Et alors il y a le lézard baptisé, le lézard Jésus-Christ, Pierre Kerner. Oui. Pourquoi Jésus-Christ ? Alors, parce que notamment il marche sur l'eau, c'est vraiment quelque chose de remarquable. C'est une espèce qui fait souvent un peu la star des documentaires animaliers, parce que sur des cours d'eau, notamment en Amérique du Sud, on peut voir ces lézards déambuler, et du fait de la vitesse, leurs pattes palmées et notamment l'allure à laquelle ils peuvent marcher, ils peuvent se permettre, notamment aussi parce qu'ils pèsent pas très très très lourd, de courir et de traverser des cours d'eau sans aucun problème. Oui, alors lui, il a 10 km par heure. Il arrive à marcher sur l'eau. Des chercheurs se sont amusés à calculer la vitesse à laquelle il faudrait que nous, humains, nous allions si nous voulions faire comme lui, marcher sur l'eau. Ça dépasse les 100 km/h. Donc en effet, c'est impossible pour un humain, et notamment du fait que il y a plusieurs mécanismes physiques qui permettent au lézard, de fait de sa taille, de rester à la surface de l'eau sans couler, et qui ne peuvent pas être mis en place avec notre propre corpulence. Ce qui frappe dans votre livre, Pierre Kerner et Patrick Beau, c'est à quel point l'évolution peut aboutir à des formes de vie incroyablement adaptées au milieu dans lequel elles se trouvent. Je pense par exemple au gérénuque. C'est une sorte de petite gazelle qu'on trouve dans la corne de l'Afrique, qui a un long cou et qui peut, vous le dites, se passer de boire toute sa vie. Ça paraît incroyable. Alors oui, ça paraît incroyable, et notamment c'est quelque chose d'assez rare dans le vivant tel qu'on l'envisage. Le truc, c'est qu'il faut s'imaginer que la plupart de ces animaux qui peuvent se passer de boissons ne se privent pas d'eau. Cette sorte de confusion, il y a de toute façon de l'eau qui leur est apportée par leur alimentation, et il y a de nombreux, notamment rongeurs, qui peuvent puiser de l'eau, qu'on dit de l'eau d'alimentation, en uniquement se nourrissant. Et donc c'est un tout petit peu fallacieux d'envisager qu'il n'y a absolument pas d'apport d'eau, mais en effet, ils peuvent peuvent se passer de bois. Ils ne boivent pas d'eau, mais par contre, elles mangent suffisamment souvent des feuilles pour prendre l'eau qui se trouve dans ces feuilles. Autre cas intéressant du point de vue de l'évolution, ce sont des méduses, les méduses dorées. Alors, racontez où elles se trouvent, ces méduses, et comment elles se sont retrouvées un peu piégées dans un milieu unique. Ça, c'est fascinant parce que la plupart du temps, les méduses qu'on envisage sont des méduses urticantes avec des tentacules qui peuvent justement provoquer de grosses brûlures. Et parmi le grand groupe des méduses dorées, il y a notamment certaines méduses qui se retrouvent dans des lacs d'eau marine, coincée dans certaines îles, notamment les îles Palau. Et dans ces lacs, il y a une sorte de phénomène particulier. En absence de prédateurs, il peut y avoir une évolution dirigée vers notamment la perte de ces cellules urticantes. Alors, c'est pas une perte complète. La plupart de ces méduses gardent des cellules urticantes, mais qui sont complètement inoffensives pour les humains. Ce qui fait que parmi les attractions touristiques, il y a le fait de pouvoir aller se baigner avec d'énormes quantités de méduses dans ces lacs de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Parce que ces lacs, finalement, ces méduses se retrouvent en vase clos, au milieu de ces îles, et elles évoluent indépendamment. Et on se rend bien compte que quand une pression de sélection ne s'exerce plus, eh bien, l'évolution en tient compte d'une certaine manière. Ouais, exactement. Alors, il n'y a pas que des formes de vie insolites du règne qui appartiennent au règne animal dans votre ouvrage. Il y a aussi des formes de vie qui appartiennent au monde végétal. Commençons par les arbres. Patrick Beau, alors ils sont superbes. Quand on regarde la photo, on se dit cette photo est truquée, cette photo sort d'un film de science-fiction. Les eucalyptus arc-en-ciel, commencez par les décrire. Ils ont vraiment une allure incroyable. Pour ceux qui ne les ont jamais vus, j'invite soit à regarder dans le livre, soit à aller jeter un œil sur Internet. Ce que je dis en introduction de l'article sur l'eucalyptus arc-en-ciel, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il y a eu des travaux de peinture à proximité, qu'on a renversé des seaux, puisque effectivement, ils ont des robes multicolores, c'est vert, c'est orange, c'est bleu, c'est pourpre, et c'est du coup très spectaculaire à voir. Ouais. Pourquoi cette couleur ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'écorce de ces arbres se renouvelle en permanence, et à chaque fois qu'il y a une couche d'écorce qui se détache, il y a d'autres lambeaux par-dessous, qui sont plus frais, plus jeunes, et dont la couleur est différente, puisque la couleur de cette écorce évolue en vieillissant. Au départ, elle est verte, puis elle va passer du vert au marron, puis au bleu, jusqu'à l'orange, etc. Et comme on a différents fragments de l'écorce qui se détachent à des moments séparés, eh bien on obtient cette espèce de kaléidoscope, de mélange comme ça de couleurs, et qui donne ce visuel assez incroyable. C'est ça, des arbres rayés verticalement avec des rayures de toutes les couleurs. On les trouve dans l'Asie du Sud-Est, si ma mémoire est bonne. Alors absolument, ouais, c'est un des seuls qui vient pas d'Australie. C'est un des seuls eucalyptus qui vient pas d'Australie. Ouais. Et on les cultive parce qu'ils sont beaux ou aussi parce qu'ils peuvent être utiles? Qu'est-ce qu'on fait avec ces eucalyptus? Alors, il est cultivé principalement aujourd'hui pour la pâte à papier et pour, évidemment, ses qualités décoratives, forcément. Donc, c'est quand même en grande partie à cause de ses couleurs, à cause de cette particularité-là, que l'arbre est cultivé. Ouais. Alors, il y a aussi un arbre, alors là, Pierre Kerner, que vous affectionnez tout particulièrement, le jaboticaba. Alors, très joli nom, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Et vous avez connu le nom avant de connaître l'arbre grâce à cette chanson. Bébel Gilberto chante le jaboticaba. Qu'a-t-il d'exceptionnel, le jaboticaba, Pierre Kerner? Il fait partie d'un groupe de plantes, notamment d'arbres, qui sont dits cauliflores, c'est-à-dire que tout simplement, les fleurs ne poussent pas à l'extrémité des branches, mais directement sur les tiges et le tronc de l'arbre, ce qui fait que après fertilisation des fleurs, il y a nécessairement des fruits, et donc il y a un moment du cycle de vie de ces arbres dans lequel les fruits, qui sont assez volumineux, qui ressemblent à des gros raisins, il faut s'imaginer des grosses prunes qui parcourent l'écorce, le tronc et les branches de cet arbre. Et qui recouvrent entièrement finalement ce tronc comme une sorte de grappe géante. Exactement, on a vraiment l'impression de voir un arbre de Star Trek un petit peu exotique justement parce qu'il est couvert de fruits qui sont directement fichés sur les branches. Patrick Beau, vous, je crois que c'est le pain Bristol Cone qui vous plaît tout particulièrement. Oui, oui, parce que donc le pin de Bristol Cone, c'est un arbre qui pousse en Amérique et qui est censé donc être l'être vivant capable de vivre le plus longtemps. Hein, donc on a des spécimens qui ont vécu plusieurs millénaires, donc qui étaient déjà présents pendant la construction des pyramides, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a un de ces arbres d'ailleurs qui est surnommé Mathusalem et qui serait âgé de plus de 4800 ans. Voilà. Et puis leur forme aussi est particulièrement spectaculaire, puisque donc ils sont entortillés sur eux-mêmes, on dirait un peu comme des flammes pétrifiées, et donc ils poussent principalement dans les parcs du sud-ouest des États-Unis. Alors il y en a aussi des arbres, pas ceux-là, mais d'autres qu'on peut voir en France, hein, pas forcément besoin d'aller toujours à l'autre bout du monde pour voir des choses incroyables. Je pense au hêtre tortillard. On en trouve en France, hein, Pierre Kerner, des hêtres tortillards. À quoi ressemblent-ils? Ils sont aussi connus sous le nom du faux de Verzy, et ce sont des hêtres dont les branches sont particulièrement tortillés, sont un cultivar, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à une espèce classique de hêtre, sauf que dans un lieu particulier en France, notamment près de Verzy, il y a des forêts complètes dans lesquelles on retrouve ces hêtres qui sont d'une certaine manière issus d'une population avec une mutation génétique particulière, qui leur offre vraiment une apparence d'arbre à la Tim Burton. On a vraiment l'impression de se retrouver ça, notamment en hiver, dans lequel les branches nues sont complètement tortillées. Ouais, alors parmi les végétaux qui pourraient figurer dans des films, il y a aussi la rafflésie, hein, Pierre Kerner. Alors ça, c'est la fleur la plus grande du monde. Quelle taille fait-elle? Au moins 1 mètre de diamètre pour les exemplaires qu'on connaît, mais on sait que ça peut atteindre des tailles un petit peu plus imposantes. 10 kilos, une fleur de 10 kilos. Exactement. Alors pour expliquer de telles dimensions, il faut savoir que c'est une fleur qui est parasitaire, et donc c'est la seule chose que l'on voit véritablement de cette fleur, puisque le reste du végétal se trouve à l'intérieur des tissus d'un arbre qui le parasite. C'est une plante non chlorophyllienne, donc c'est pas véritablement un végétal. Si on s'attache vraiment à la définition de ce que c'est qu'un végétal capable de photosynthèse, cet arbre-là n'est pas capable de photosynthèse et puise la sève de son hôte. Qu'est-ce qu'elle sent, cette fleur? Elle sent le corps complètement pourri. En effet, la plupart des fleurs de certains arbres sont capables de faire ce genre d'odeur pour pouvoir attirer des pollinisateurs particuliers. En l'occurrence, ici, ce sont des mouches saprophages, donc qui se nourrissent de pourriture ou carrément d'excréments. Si malgré cette odeur, vous souhaitiez la cultiver dans votre jardin, ça n'est pas forcément possible. Personne n'a jamais réussi à cultiver cette fleur. Parce qu'il faut, c'est ça qui est complètement fascinant, c'est que pour une plante parasitaire, il faut un hôte, et il faut que ce soit un hôte qui soit à la fois en assez bonne santé pour soutenir la fleur, mais aussi en assez mauvaise santé immunitaire pour ne pas résister au parasitisme. Ouais, des conditions bien particulières. Vous affectionnez tout particulièrement les parasites, Pierre Kerner. Nous allons évoquer quelques autres spécimens particulièrement étonnants dans la suite de cette émission. Et puis nous nous intéresserons aussi à de toutes petites grenouilles redoutables et à des espèces très différentes qui ont en commun de produire de la lumière. Patrick Beau et Pierre Kerner nous emmènent à la découverte du monde vivant et de ses merveilles insolites cet après-midi sur France Inter. Quand la fera fere e mata alguém, só porque difere de gênero tem algo enrustido, algo enrustido. Quando discrimina a pele de alguém e não preza a mina de onde cê vem, faz um ebó pra ele, um ebó pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Quando acelera, atropela alguém, envenena o ar e expõe seu desdém, pega a bicicleta, pega a bicicleta. Se derruba, mata e atira em alguém que cuida da floresta como mais ninguém, faz um rapé pra ele, um rapé pra ele. Ninguém solta a mão de ninguém, olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro. olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Se criminaliza o direito de alguém de ter moradia e uma terra também, movimenta ele, movimenta ele. Esse alguém sem nome sou eu e você. Se juntar não some, faz aparecer. Nome, sobrenome, nome, sobrenome. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente por gente, cuidar de cada um dentro de nós. C'était Ninguém Solda a Mão de Ninguém, de Lucas Santana. France Inter. Du vent dans les synapses. Nature secrète, merveille insolite du vivant, tel est le titre de l'ouvrage que publient aux éditions Duno nos invités Pierre Kerner et Patrick Beau. Alors Patrick Beau, cet ouvrage est d'ailleurs le troisième d'une série. Il y avait eu Terre secrète sur la géologie, Lieux secrets sur les constructions humaines. Cette fois, c'est donc au monde du vivant que vous vous êtes intéressé. Comment vous avez procédé pour choisir les espèces qui figurent dans votre ouvrage, Patrick Beau ? Il y avait trois critères principaux et donc il fallait que toutes les espèces sélectionnées les respectent, ces critères-là. Donc évidemment, le premier critère, c'était que l'espèce soit spectaculaire visuellement. C'était déjà le cas pour les deux premiers ouvrages. À chaque nouvelle page, il fallait qu'il y ait un effet wow de la part des lecteurs, qu'ils aient vraiment l'impression de découvrir une espèce de planète parallèle. Là, c'était la même condition. Il fallait un premier choc visuel. La deuxième condition, c'était que l'espèce soit méconnue, évidemment, voire inconnue du grand public. Il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres, mais justement, elles sont abordées sous un angle un peu différent. Donc on essaie d'apporter des éléments supplémentaires sur des espèces ou des plantes qui sont un peu plus connues du grand public. Et la troisième condition, c'était qu'il fallait pouvoir raconter des choses sur ces espèces, pas simplement un aspect, une allure. Il fallait qu'il y ait des comportements insolites ou des particularités intéressantes à développer. Et ce qui fait que finalement, la recherche a été ardue, même s'il n'y a que 100 espèces dans le livre. Allez, je vous en donne un exemple, la crevette menthe pan. Patrick Beau. Ben pour moi, c'est peut-être l'espèce la plus représentative, la plus emblématique de ce livre, puisque vraiment, elle réunit les trois conditions. Donc déjà, c'est pas un animal dont on entend parler tous les jours. Non, je vous le confirme. Alors, ça ressemble à quoi d'ailleurs ? Alors, clairement, ça ressemble à une crevette, mais ce n'est ni une crevette, ni une menthe, ni un paon, je précise. Donc, on l'appelle aussi la squille multicolore. Et donc, ça ressemble à une grosse crevette qui aurait pris du LSD d'une certaine façon, puisque donc c'est bien décrit. Voilà, elle est vraiment incroyable visuellement. On parlait des eucalyptus arc-en-ciel tout à l'heure. Là, c'est un peu la même chose, mais pour une crevette, quoi. Donc il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. C'est absolument magnifique ces couleurs. Et donc déjà il y a ça. Et ensuite il y a cette particularité qui est assez incroyable, c'est qu'elle possède la frappe la plus rapide qu'on connaisse dans la nature. Donc elle peut donner des coups avec ses pinces, tellement rapide et tellement puissant, donc qui produisent une bulle de vapeur, donc on appelle une bulle de cavitation, et cette bulle peut chauffer jusqu'à près de 5000 degrés, ce qui est vertigineux, c'est plus ou moins la température qui est à la surface du soleil. Bon, c'est très très rapide, évidemment c'est très très bref, et quand cette bulle éclate, elle envoie une onde de choc, donc à plus de 100 km/h, et elle peut potentiellement tuer des proies, des poissons, d'autres crustacés, donc rien que ça c'est quand même assez incroyable. Et en plus, donc comme si c'était pas suffisant, cette crevette menthe donc possède la vision la plus sophistiquée du règne animal. Voilà, elle possède 12 photorécepteurs différents. C'est-à-dire qu'elle voit dans des longueurs d'onde des lumières que nous ne parviendrions pas à percevoir. Voilà, elle perçoit des longueurs d'onde dans les ultraviolets notamment, qui nous sont totalement inaccessibles et inconnus. Pierre Kerner, vous avez apporté votre passion pour les parasites à cet ouvrage. D'ailleurs, votre précédent ouvrage portait exclusivement sur les parasites. Vous leur vouez une vraie passion à ces bêtes parasites. Alors là, le but de l'ouvrage, c'était d'émerveiller le lecteur. On peut émerveiller avec

manière, le génie génétique a permis de comprendre comment ça, ça fonctionnait. Et c'est quelque chose d'assez fascinant, puisqu'on a retrouvé ce même mécanisme qui aurait évolué dans des lignées totalement différentes, et donc qui aurait été redécouvert par l'évolution chez différentes lignées. Ouais, donc, pour parler avec des mots savants, ce sont des cas de convergence évolutive. C'est-à-dire que si on trouve cette molécule chez des champignons, dans des organismes marins ou chez des insectes, c'est que l'évolution a abouti à la fabrication de cette molécule de façon indépendante dans ces lignées du vivant très très éloigné. Exactement, de la même manière que deux enfants pourraient concevoir le même château avec des Legos, et ben on pourrait avoir justement cette même conception de bioluminescente avec un bricolage évolutif chez des lignées différentes. Alors Pierre Kerner et Patrick Beau, votre ouvrage, on l'a compris, le but de cet ouvrage, c'est de nous émerveiller, hein, c'est de nous surprendre, c'est de nous étonner, mais il y a derrière tout ça aussi l'envie de nous inciter à protéger ce que l'on connaît mieux après vous avoir lu, Patrick Beau. C'était la ligne depuis le premier volume, c'était le cas avec Terre Secrète et aussi avec Lieu Secret. L'idée, c'était de sensibiliser les gens forcément à l'aspect fragile des trésors de la planète, donc qu'il s'agisse de trésors géologiques ou vivants en l'occurrence. L'idée aussi, c'est que on ne peut avoir envie de protéger que ce qu'on aime et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc peut-être qu'en découvrant ces espèces extraordinaires dans le livre, les lecteurs qui les découvriront auront plus envie de les protéger, en tout cas d'agir dans le sens de leur protection. Oui. Après la géologie, les constructions humaines et le vivant avec ce troisième tome, il y aura un quatrième tome à cette série, Patrick Beau? Alors là, il faut dire que ce thème du vivant, pour moi, s'inscrivait vraiment dans une cohérence totale, après les merveilles de la géologie, les merveilles de l'humanité, les merveilles du vivant. Donc ça faisait sens, cette trilogie-là, et un quatrième volume, donc, est en réflexion, on va dire, mais je suis pas encore fixé, disons, sur le thème. Il faudrait que ça fasse du sens, voilà, à D'accord. la suite de celui-là. Très bien. Ouais. Suspense, alors. En attendant, je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions Dunod, Nature secrète, merveille insolite du vivant. Merci, Pierre Kerner et Patrick Beau. Puis je remercie aussi à la technique de France Bleu Vaucluse, Jean-Patrick Zografou, et à la technique à Paris, c'est Johanna Gabric. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Et dans un instant, nous allons voir avec Mathieu Novak et Sophie Bécherel ce que nous réserve 2020 en matière de science. C'est pas facile. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps d'abord. Tu es mon ami. Mon meilleur ami. Prends ton temps. Prends ton temps d'abord. Tu fais ami avec des Lucie, oh, je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends, but I'm wising up to them. You're making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Tu fais ami avec les lucioles. Je ne peux pas dire que cette chose m'étonne, mais les choses qu'elles disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Thank you. C'était Luciole, Chris Garneau. France Inter, du vent dans les synapses. Autour de la table, Mathieu Novak de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Et très belle année à vous d'ailleurs. Alors avec vous, nous allons passer en revue quelques-uns des événements scientifiques dont on devrait entendre parler dans l'actualité des sciences en 2020. Alors c'est un exercice un peu difficile, hein. On ne peut évidemment pas tout prévoir, mais il y a certains domaines où les choses sont suffisamment planifiées pour qu'on puisse voir venir les événements. C'est le cas de l'exploration spatiale par exemple. Pas mal de missions sur Mars, Mathieu Novak. Oui, comme on disait que 2019, c'était vraiment l'année de la Lune, là, 2020, c'est parti pour être l'année des départs pour Mars. Alors pourquoi cette année en particulier? Parce que la planète rouge sera exceptionnellement proche de la Terre, à peine 57 millions de kilomètres. Bon, au plus loin, elle peut être à 260. Et il faut remonter à 2003 pour avoir des conditions aussi favorables. Du coup, ils sont plusieurs à vouloir y aller. Il y a pas moins de 4 missions, dont 3 rovers qui vont rejoindre Curiosité. Le plus spectaculaire, c'est celui de la NASA. C'est une grosse mission à 2,5 milliards de dollars. On va avoir un rover qui va explorer G0. G0, c'est un cratère où se trouvait avant un lac. Alors bien sûr, vous imaginez, on va y chercher des traces de vie. Mais ce qu'il va faire surtout, c'est qu'il va prélever des roches qu'une future mission, qui n'est pas encore programmée, devrait venir chercher. Et c'est pas tout. Ce rover, il va en plus emporter avec lui un drone. C'est la première fois qu'on va faire voler un drone ailleurs que sur la Terre. Donc c'est un petit drone, hein, 1,8 kg avec des petits panneaux solaires. Il va être piloté depuis la Terre pour des toutes petites missions sans instruments scientifiques de 90 secondes. Mais en tout cas, ce sera une première. Donc cette mission ne sera pas la seule. Il y aura aussi ExoMars, une mission européenne qui a été rebaptisée Rosalind Franklin, qui partira aussi avec un rover pour des prises d'échantillons et des analyses sur place. Et enfin, un troisième rover, c'est un chinois, Yuxing 1, avec caméra et appareil pour faire des analyses. Et enfin, tout ça va être accompagné d'une sonde spatiale. Une première, c'est les Émirats Arabes Unis qui envoient une sonde spatiale pour étudier l'atmosphère martienne. Mmh. Alors, il n'y a pas que sur Mars qu'on va creuser. On va aussi creuser dans les astéroïdes, notamment sur Bennu, où il y a la mission Osiris-Rex qui est arrivée l'année dernière et qui va creuser. Et en fin d'année, on va avoir le retour d'une autre mission, Hayabusa 2, une mission japonaise qui, l'année dernière, a prélevé quelques dizaines de milligrammes sur l'astéroïde Ryugu. Oui, donc là, elle est sur le chemin du retour et livraison prévue décembre 2020. Décembre 2020. Sophie Bécherel, oui, d'autres actus en spatial. Oui, c'est une grosse année avec encore un autre départ, celui de la première fusée Ariane 6, si tout va bien à la fin de l'année, même si ça risque de glisser début 2021. Cette nouvelle fusée européenne, dont le coût à la fabrication a baissé, rappelez-vous, de 40% par rapport à Ariane 5 qu'elle est destinée à remplacer à terme. Cette fusée sera donc déclinée en deux versions pour des gros ou moins gros satellites. Premier client qui prend les risques du vol inaugural, ouais. OneWeb. C'est une constellation de 700 satellites et Ariane 6 lancera les 30 premiers d'un seul coup. Alors, en Asie, il se passera aussi des choses puisque l'agence spatiale chinoise prévoit le retour en vol de sa grosse fusée, la Longue Marche 5, après 2 ans d'interruption. Et si ça fonctionne, eh bien c'est avec elle que la mission lunaire Chang'e 5 partira. Il s'agit là de ramener un échantillon de la Lune. Ce serait la première fois que la Chine maîtriserait toutes les étapes d'une telle mission. D'autres acteurs seront aussi dans notre viseur. Les Indiens qui entendent faire voler leur premier SSLV. C'est une toute petite fusée, 34 mètres de haut, capable de déposer 500 kg en orbite. Les Japonais, eux, espèrent qu'ils pourront remplacer leur fusée actuelle, la H2A, par une H3, plus grosse, là aussi, plus forte, pour emporter 6,5 tonnes en orbite. Et puis, l'ISS va s'agrandir. Les Russes vont en effet envoyer un module baptisé Noka. En fait, il est prêt depuis très très longtemps, mais faute d'argent, il n'avait pas pu venir s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Et bien donc, on attend l'arrivée de Noka. Et l'ISS sera pendant quelques temps transformé en coffee shop, parce que une société de biotechnologie agricole américaine a décidé de faire pousser des graines de chanvre. Il va s'en passer des drôles de choses en 2020, notamment à bord de cette station spatiale internationale. Et puis côté technologie, alors Sophie, en intelligence artificielle des... Alors, on suivra évidemment les avancées, que ce soit en IA comme en robotique. Par exemple, en robotique, c'est la ville de Bordeaux qui va accueillir la RoboCup 2020 au mois de juin. Cette compétition née en 1996 avait à l'époque pour objectif de faire jouer une équipe de footballeurs robots contre une équipe humaine. Depuis, le rendez-vous s'est élargi et en fait, ça consiste à monter montrer de quoi sont aujourd'hui capables les robots. Toutes les équipes de recherche du monde entier viennent. Évidemment, ça s'accompagne de conférences grand public et de différentes manifestations. Mais c'est le moyen de voir à quel point il est difficile pour un robot de mimer un homme, notamment pour les robots humanoïdes, c'est-à-dire marcher, courir, saisir un objet, tirer un but. On ne s'en rend pas compte, mais la machine humaine est absolument formidable et on a du mal à l'égaler. Et en France, on a des équipes absolument excellentes qu'on connaît pas très bien, mais en tout cas, celle de Bordeaux, Roban, qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde robotique de foot, sera là, évidemment. Et puis, on parlera d'éthique parce que l'IA, l'éthique, c'est en IA une notion qui est très, très mise en avant, en tout cas en France et en Europe. L'idée étant que l'homme reste maître de ces technologies. Plus léger, l'intelligence artificielle sera en 2020 mise au service de la musique parce que dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, une équipe de musicologues et d'informaticiens a confié à un logiciel d'IA le soin d'achever la 10e symphonie du compositeur allemand. Il n'y avait que quelques mesures, des notes manuscrites. Donc là, l'IA a avalé toutes les œuvres de Beethoven et elle essaie donc de poursuivre, terminer cette 10e symphonie qui sera jouée. C'est curieux de savoir ce que ça va donner, ce truc-là. D'autant que les précédents essais, notamment avec la symphonie inachevée de Schubert ou d'autres œuvres de Mahler, n'ont pas donné forcément un résultat 100% formidable. En tout cas, elle sera jouée, cette 10e symphonie de Beethoven, achevée par une IA, le 28 avril 2020 à Bonn. Ouais, par une intelligence artificielle, donc. Mathieu Novak, la 5G qui débarque en 2020. Ouais, peut-être que ce concert, vous pourrez le télécharger en quelques fractions de secondes avec l'arrivée de la 5G. Alors, il y a eu l'année dernière déjà quelques expérimentations en Corée ou aux États-Unis, mais là, cette année, ça va être vraiment le vrai départ. Symboliquement, il va y avoir au JO au Japon, il va y avoir beaucoup de promotions pour la 5G, mais aussi en France. Alors, il faut déjà que les opérateurs achètent à l'État des bandes de fréquences. L'État a fixé un prix de réserve, ça se vend aux enchères, de 2,17 milliards d'euros. Ça risque de freiner un peu leurs investissements, parce que c'est quand même une sacrée somme. Mais en tout cas, il y aura sûrement les premiers forfaits et les premiers appareils dès l'année prochaine. Alors, quelle est la promesse? C'est 10 fois les débits de la 4G, avec une latence et un temps de réponse quasi nul. Mais ça, c'est les grandes promesses. Elles iront aussi avec des polémiques, forcément. Des polémiques sur la santé. On n'a jamais eu pour le moment de preuves, de liens, par exemple, entre ondes et cancers. Mais là, on va être sur des bandes de fréquences différentes, plus élevées, qui vont pas pénétrer le corps humain parce qu'elles vont rester en surface, à la peau. Mais ça pose des nouvelles questions. On a l'affaire Huawei aussi, pour l'installation des équipements. Ça va continuer. Et il va y avoir aussi une polémique sur les stations météo, parce que les relais 5G utilisent des bandes de fréquences qui sont assez proches de celles des satellites météorologiques, notamment quand ils cherchent à comprendre comment on bouge la vapeur d'eau. Une information très précieuse, il risque d'y avoir des interférences. Allez, et puis aussi une centrale nucléaire qui ferme cette année. La centrale nucléaire Fessenheim devrait fermer cette fois-ci définitivement, c'est certain, Mathieu Novak. Ah bah c'est certain, on n'est jamais sûr avec cette centrale. On a beaucoup utilisé le conditionnel. Rappelez-vous, c'était une promesse de campagne de François Hollande en 2012, mais normalement maintenant c'est signé. Le réacteur 1 devrait fermer le 22 février, le deuxième le 30 juin. Normalement, c'est acté et ça sans attendre la mise en route de l'EPR de Flamanville comme c'était initialement prévu. Un petit rappel, Fessenheim, c'était la doyenne des centrales qui était mise en service en 78 avec une durée de vie de 40 ans qui a été prolongée 10 ans. Mais depuis, c'est devenu un symbole pour diminuer la part du nucléaire dans la production électrique française. On a un objectif de 50% en 2035, ce qui impose de fermer 12 réacteurs sur les 15 ans à venir. Fessenheim, c'était la plus ancienne, elle risquait de se faire inonder. Elle reposait sur un socle de béton peu épais, il y a eu de nombreux incidents, ça devait être la première. Et Sophie, on attend pour cette année aussi la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche. Ah oui, c'est ce qu'on appelle de l'institutionnel, mais en effet, c'est important pour la communauté scientifique, une loi tardive dans le mandat d'Emmanuel Macron, mais que le gouvernement justifie par la volonté de faire coïncider donc cette loi française avec l'agenda européen, puisque le prochain budget de l'Europe pour la recherche est prévu pour couvrir la période 2021-2028. Donc, pourquoi les chercheurs en attendent beaucoup? Eh bien parce que les budgets, comme les postes, ont diminué ces dernières années. De grandes voix se sont élevées pour dire que la France était en train de décrocher dans le contexte international. Le président du CNRS lui affirme qu'il faut une loi inégalitaire. Comprenez que tout le monde ne peut pas être financé. Tout de même, pour rester dans la compétition internationale, il faut effectivement financer la matière grise. C'est ce qu'on a en France. Et pour rester dans l'institutionnel, à noter qu'on n'entendra plus parler de l'INRA à partir du 8 janvier prochain. Oui, puisque cette cet organisme de recherche publique en agronomie, le premier en Europe par le nombre de publications, va fusionner avec l'IRSTEA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture. 8000 chercheurs techniciens administratifs d'un côté, 1200 de l'autre. Une fusion logique compte tenu de la proximité des thèmes de recherche. Je crois que ça va s'appeler l'INRAE. L'INRAE, ben, il va falloir s'y faire. Allez, un peu de culture pour terminer. Une ouverture de musée dont on devrait entendre parler à Mathieu Novak. Ça se passe au Caire. Ça se passe au Caire et les Égyptiens l'appellent le 10-10-20-20. Pourquoi ? Parce qu'elle devrait ouvrir le 10 octobre 2020. Qu'est-ce que c'est ? C'est un projet pharaonique, c'est le cas de le dire, lancé il y a 20 ans qui s'éloigne le plus grand musée dédié à l'égyptologie dans le monde entier. Coût du projet, 1 milliard de dollars. Alors juste pour se fixer les idées, le Louvre à Abu Dhabi, qui était déjà un gros projet, c'était 600 millions. Là, on a un bâtiment long de 500 mètres, situé à Gizeh, en face des pyramides, qui va être riche de 100 000 pièces sur une surface de deux fois celle du Louvre. Alors au début, on verra pas tout, mais on devrait voir les 5000 pièces du trésor de Toutankhamon, pour la première fois réunis, le masque, le sarcophage, le lit, un char en or, les bougies. Quand on voit le succès de l'expo Toutankhamon à Paris, il y a fort à parier que ça va être monstrueux. Et ouais. Le bâtiment est sublime. Et le bâtiment est magnifique. Alors c'est un petit peu loin, et pendant que ce musée s'ouvre au Caire, un autre ferme temporairement à Paris. Le 30 août prochain, le célébrissime Palais de la Découverte fermera ses portes en effet pour rénovation. Et pendant les travaux, une structure temporaire doit s'installer au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de la capitale. À noter deux choses, une exposition au muséum pour ceux qui aiment, ceux qui brillent, eh bien, pierres précieuses, des minéraux et des bijoux est prévue donc au Muséum National d'Histoire Naturelle à la Galerie de Minéralogie en partenariat avec la maison Van Cleef & Arpels à partir du mois d'avril. C'est pour ça que je dis que c'est pour ceux qui aiment que ça brille. Et puis à Bordeaux, dans le cadre d'Africa 2020, le muséum proposera à partir du 4 février Afrique faune sauvage avec les plus beaux spécimens d'animaux naturalisés de ses collections mais aussi d'autres musées. Eh bien, il nous en attend des choses pour 2020. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans Sciences et Avenir ce mois-ci ? Pour commencer l'année dans les meilleures conditions, un grand dossier sur les neurosciences et la méditation. Merci Mathieu Novak et Sophie Bécherel. En deuxième heure, j'aurai le plaisir de recevoir l'anthropologue Philippe Descola. Il a vécu pendant 3 ans en forêt amazonienne avec des Amérindiens. Il va nous raconter en quoi a consisté son travail ethnographique sur le terrain et comment ses observations ont ensuite alimenté sa réflexion sur les rapports qu'entretiennent les humains avec leur environnement, les animaux et les plantes. Plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Quand tu croises le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Happy. Joue plus au chat, à la souris, cours plus après le bonheur. Quand il est devant toi, que tu souris. Voilà ma seule terre. De ton absence, la vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois. C'était Mathieu Chédide sur France Inter. Dans un instant, nous partons dans la forêt amazonienne avec l'anthropologue Philippe Descola à la rencontre du peuple Achuar.